Oh. Yeah. C'est le retour des yens enfoirés. Ouais, ouais, ouais. 400 yens. Ah, tu bien ou quoi? Si, si. Ah, la à fond dans mon business. J'attends les tapins qui stressent. 400 yens. Ouais. On accélère comme Bruce Lee. Ranger les calages, c'est la France, c'est pas la Bruce ni Harry. Va aider, c'est ta vie. Le son il tourne dans les Jackson, t'as les niques et de la vie. Il faut te préparer à courir quand tu vois ce pays, c'est la vie. Encore un frère froid à la mort, donc les gars ils ravent. Encore un frère qui blow heads pour même paradis. Alcool, drogue, douce, tasse, bête pour thérapie. Quand t'es en cuir noir, casqué pour une piraterie. Nique sa mère, le rap game. Moi je poétise la zermie, toujours conscient même s'il y a pas de thème. J'suis pas sa proquis, mais j'rappe mes fucking problèmes. Dessine des putains de croquis avec des couleurs trop bleues. T'auras plus trop fait bris, tu sais. Tu casses les Peugeot à la Jibril, si c'est. Envoie des punch avec ou sans récépissé. Coup de tête, boum, le nez cassé, mais c'est pissé. Toujours à fond dans mon business. 400 yens, j'entends les tapins qui stressent. Négocie en force ou en finesse. On voit les rappeurs de merde faire du fitness. J'suis famille formidable avec la monnaie. J'suis famille formidable, ce que tu me connais. J'suis famille formidable avec mon armée. Il est violet, tu parles, est-ce que tu connais? Moi et les armes et les sciences comme Kinsu. Des tas et des fous. Le pouvoir c'est des armes et des sous. Y'a pas de hasard, y'a pas de magie voodoo. Les dictateurs en boubou finissent mal comme Obutu. À coup de ton cou, c'était chaud, on est beaucoup. Coup pour coup, arrête de rapper si tu parles comme Poutou. La police est le raid, elle fait que nous palper, laisse tomber ses dettes. À ce qui paraît, on a des saletés. La vie de pauvre est triste, on est blosé. Partir à Miami, Chico au nord, c'est la faute arrosée. Dis-moi avec qui tu pries, je te dirai qui tu es. Je sais avec qui tu traînes, je te dirai qui va te tuer. Les armes nous fascinent, elles nous tuent, elles nous protègent. Les femmes nous attirent, terminé, tu t'es fêtèche. Elles aiment nous escorter, avec nos bijoux de famille. Y'a du monde sur la branche, alors je me barre comme un ovni. Toujours à fond dans mon business. 400 yens, j'entends les tapins qui stressent. Négocie en force ou en finesse. On voit les rappeurs de merde faire du fitness. J'suis femme formidable avec la monnaie. J'suis femme formidable, ce que tu me connais. J'suis femme formidable avec mon armée. Il est violet, tu parles, est-ce que tu connais? Toujours à fond dans mon business. 400 yens, j'entends les tapins qui stressent. Négocie en force ou en finesse. On voit les rappeurs de merde faire du fitness. J'suis femme formidable avec la monnaie. J'suis femme formidable, ce que tu me connais. J'suis femme formidable avec mon armée. Il est violet, tu parles, est-ce que tu connais?